Day 22nd of February, year 2015. After 10 days, retreat is going on. We are talking about Padaniyanga Dhamma, five kinds of factors. The person who practices vipassana meditation, they qualify for. Nous sommes aujourd'hui le 22 février 2015. Nous avons déjà une dizaine de jours de pratique derrière nous. Je vous ai parlé des cinq facteurs que le méditant devra développer en lui s'il veut atteindre l'illumination. Le premier de ces facteurs, c'était la foi ou confiance. Le deuxième, la santé. Le troisième, la sincérité, l'obéissance. Le quatrième, l'effort. Et le cinquième, la sagesse. Hier, je vous ai parlé du premier de ces facteurs, sadda, la foi. Je vous ai expliqué que si l'on veut atteindre l'illumination, il faudra introduire en soi au moins la deuxième de ces différentes sortes de sadda, la sadda forte, la foi développée, appelée en pali okapana sadda. Nous allons voir maintenant le deuxième facteur, la santé. Il y a deux sortes de santé, la santé mentale et la santé physique. La santé mentale s'enracine dans la foi. Ne pas être en bonne santé mentalement, c'est être malade psychologiquement, être victime de dépression, de stress. Une telle personne peut méditer, mais ce sera difficile pour elle d'atteindre la libération dans ces conditions. Il faudra qu'elle se soigne, que sa maladie mentale diminue, que son esprit devienne plus vif, plus clair, plus alerte, que son attention et sa concentration se développent. Son esprit va alors devenir normal et il pourra lui aussi atteindre le but. Il y a beaucoup d'histoires qui se passaient du temps du Bouddha à propos de personnes qui étaient malades mentalement et qui après avoir reçu les instructions du Bouddha, ont pu elles aussi atteindre l'illumination. Il y a notamment l'histoire d'une femme qui avait perdu tous ses biens, toute sa famille, ses fils, son mari. Elle en était devenue quasi folle. Le Bouddha lui donna alors les instructions pour la méditation. Il lui demanda de développer son attention. La femme suivit les instructions du Bouddha, se mit à pratiquer et très vite, sa maladie mentale diminua, son esprit se stabilisa. Il devint saint. Elle put ainsi développer son attention et sa concentration et atteindre l'illumination. Il est facile de comprendre qu'il faut être en bonne santé physique pour pouvoir méditer correctement. Par exemple, si on a un rhume, qu'on est malade, ce sera difficile de développer la concentration. Il ne s'agit là aussi que de cause et d'effet. Le corps et l'esprit sont en interrelation. On dit qu'il y a quatre causes à la maladie. La première, c'est le kamma. Les actions négatives vont rendre le corps malade. Ce sont également des causes et des effets. Si l'esprit est malade, le corps tombe malade. La deuxième cause, c'est le climat, la température. C'est très facile à comprendre pour nous qui vivons en Belgique. Il faut faire constamment attention car le temps change très vite. Nous devons faire attention parce que là aussi, il ne s'agit jamais que de cause et d'effet. En étant attentif, on peut prévenir la maladie. Mais si on n'est pas attentif, on oublie, il est fort probable qu'on ne réalise cela qu'après être déjà tombé malade. La troisième cause pour la maladie, c'est l'alimentation. Si nous prenons des aliments nocifs, des poisons, par exemple, nous allons tomber malades. Si nous ne sommes pas attentifs, que nous mangeons trop parce qu'il y a trop d'attachement, trop d'avidité pour la nourriture, nous ne contrôlerons pas les quantités, nous mangerons trop, nous mangerons ce qui ne nous convient pas, nous mangerons une nourriture malsaine et tout ceci va également amener la maladie. Les méditants ici s'abstiennent de nourriture l'après-midi. Ils s'inquiètent parfois. Mais si on devait manger le soir, l'estomac serait trop plein et ceci amènerait un certain inconfort. Lorsque nous prenons notre repas dans le cadre d'une retraite, nous essayons d'être attentifs à tous les mouvements que nous sommes amenés à faire. Lorsqu'on prend la nourriture, lorsqu'on la porte à la bouche, lorsqu'on mâche, lorsqu'on avale, on est attentif à tous ces mouvements. Ceci permet de développer l'attention, mais permet également d'éviter les maladies. Quand on prend son repas dans le cadre d'une retraite, on note tout ce qui se manifeste à chaque instant. Et on peut constater que le goût, l'expérimentation du goût ne se fait que sur la langue. Et la langue, c'est une toute petite partie du corps. Une fois que l'aliment aura dépassé la langue, plus aucun goût ne sera expérimenté. Si la nourriture que nous avalons n'est pas appropriée, nous aurons des problèmes. Il faut que cette nourriture soit appropriée, ce qui ne veut pas dire bonne ou appétissante. Elle doit répondre à nos besoins. Si nous avons beaucoup d'attachement, beaucoup d'avidité pour la nourriture, nous devrons expérimenter toutes sortes de malaises et de maladies. Si on veut éviter d'être trop attaché à la nourriture, d'avoir trop d'avidité pour la nourriture, il faut comprendre que le goût ne se manifeste qu'au niveau de la langue. Et la langue, c'est une toute petite partie du corps. Dès que l'aliment aura dépassé la langue, plus aucun goût n'est expérimenté. Il est perdu. C'est de cette façon qu'on peut diminuer l'attachement à la nourriture. Il y a beaucoup de gens qui sont très attachés à la nourriture, qui ne font pas attention et qui ne comprennent pas que ce goût délicieux qu'ils expérimentent se limite à cette très petite partie du corps. Les Chinois surtout sont très attachés en général à la nourriture. Il faut donc éviter les aliments qui ne conviennent pas, qui ne sont pas appropriés. À propos des maladies, il est dit dans les Écritures qu'il y a des millions d'années, les êtres qui vivaient dans le plan humain ne connaissaient pas beaucoup de maladies. Il n'y en avait que trois. Les humains qui, à l'époque, n'avaient pas beaucoup d'avidité, n'avaient pas beaucoup de colère, n'avaient pas beaucoup d'ignorance. Ils vivaient dans les quatre Brahmaviharas, dans les quatre demeures sublimes, c'est-à-dire qu'ils pratiquaient naturellement et constamment l'amour bienveillant, la compassion, la joie sympathique et l'équanimité. À l'époque, il n'y avait que trois sortes de maladies. La première, c'était tout simplement le fait d'avoir faim. C'est une espèce de maladie. Donc on peut dire que les gens étaient malades en permanence puisque tous les jours, ils avaient faim. Ils désiraient manger. La deuxième sorte de maladie, c'était l'inconfort qu'on expérimentait après avoir mangé. L'estomac était trop plein et la personne commençait à somnoler. Et la troisième sorte de maladie qui existait à l'époque, c'était le vieillissement, jara en pali. Il n'y avait donc que ces trois sortes de maladies. Petit à petit, les êtres humains ont vu se développer en eux toutes sortes de pollutions mentales. Et ils ont également commencé à manger de la viande. À cause de cette viande qu'ils mangeaient, ils étaient sujets à toutes sortes de maladies. Il y a dans les Écritures 32 parties du corps. Ces 32 parties du corps, et notamment le sang, l'air, etc., amenaient toutes sortes de maladies à cause de la viande qui avait été ingurgitée. Il y en avait à peu près 98 sortes de maladies. Et de nos jours, on peut dire qu'il y en a encore plus. On peut donc dire que la viande n'est pas bonne pour la santé. Moins on consomme de viande, moins on sera malade et plus le corps sera en bonne santé. Si on veut donc être en bonne santé, il faudra faire attention à la nourriture qu'on prend. Il faut que cette nourriture soit appropriée et qu'elle soit prise dans des quantités en bonne quantité. On pourrait se demander quel niveau de santé il faut avoir pour atteindre l'illumination. Il est mis dans les Écritures que celui qui s'alimente correctement, qui dort bien, aura une santé suffisante pour atteindre l'illumination. Les yogis, en général, s'alimentent correctement et en suffisance. Ils dorment bien. Ils sont donc en mesure d'atteindre l'illumination. Mais bien dormir, ce n'est pas trop dormir. Si le méditant dort trop, il sera pris par la somnolence. Si donc vous êtes en bonne santé, que vous avez foi dans le Dhamma et que vous fournissez l'effort, vous pouvez atteindre l'illumination. Le troisième facteur qui permet d'atteindre l'illumination, c'est la sincérité, l'obéissance, l'honnêteté. Ceci veut dire qu'il faut être honnête avec soi-même. Il ne faut pas prétendre avoir réalisé des choses qu'on n'a pas réalisées. Si on n'est pas très clair à propos de ses expériences et qu'on prétend avoir réalisé certaines choses, on aura des doutes pendant la pratique. Il faut donc simplement expliquer, surtout à l'entretien, ce qui s'est passé et comment on a géré ces objets. Ça, c'est la bonne attitude. Ici, les méditants se sont montrés honnêtes au moment du rapport. Qu'ils aient progressé ou qu'ils aient l'impression de ne pas avoir progressé, cela n'a aucune importance. Il faut simplement expliquer ce que l'on a expérimenté. Le quatrième facteur, c'est l'effort. Il y a trois sortes d'efforts. Le premier, c'est Arada Viriya. Le deuxième, Nekama Viriya. Le troisième, Parikama Viriya. Le premier effort, c'est donc l'effort initial. C'est l'effort que nous devons fournir pour prendre la décision de participer à la retraite et faire nos préparatifs. Tout ceci est difficile, car il y aura beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés. Nous allons devoir les surmonter. C'est un effort très grossier qui doit être fourni au début. Nous arrivons ici et nous commençons à pratiquer en essayant d'appliquer les instructions. Petit à petit, nous nous installons dans la pratique et nous passons alors au deuxième type d'effort, un effort tout particulier, pour échapper à la somnolence et à la paresse. Une fois que nous aurons réussi à surmonter la paresse et la somnolence, nous allons automatiquement passer au troisième type d'effort qui consiste à maintenir cette qualité d'énergie pour progresser jusqu'à ce qu'on ait atteint le but. Ce troisième type d'effort, c'est une détermination très forte à ne pas abandonner la pratique tant qu'on n'aura pas atteint au moins le premier stade d'éveil, le premier stade d'illumination. Nous sommes décidés à ne pas abandonner. Notre attention et notre concentration vont se développer grâce à ce type d'effort, et lorsque la retraite sera terminée, que nous serons rentrés chez nous, nous pourrons continuer à pratiquer sur base de cette bonne attention et de cette bonne concentration. Donc, si nous fournissons un effort il sera facile de surmonter la paresse et l'ennui. Lorsqu'on s'ennuie pendant la méditation, automatiquement, on devient paresseux. Il y a 6 raisons que le paresseux va invoquer pour se justifier. La première paire, c'est la chaleur et le froid. Ce méditant paresseux explique qu'il ne peut pas méditer, qu'il ne peut pas développer sa pratique, tout simplement parce qu'il fait trop chaud ou trop froid. Mais en tant que méditant, nous devons noter ces sensations de chaleur et de froid et voir qu'elles ne durent pas. Il est toujours possible également de faire fonctionner soit le chauffage, soit l'air conditionné. Donc ce ne sont pas des raisons valables. Une autre paire de raisons que va donc invoquer le paresseux, c'est qu'il est trop tôt ou trop tard pour pratiquer. Il dit par exemple qu'il n'a pas assez dormi, qu'il a besoin de plus d'heures de sommeil. Ou bien il dira qu'il est trop jeune pour pratiquer et que ce n'est pas l'âge pour la pratique. Ou alors il est trop vieux, il ne peut plus le faire. Ou alors il postpose sa décision. Il le fera demain. Tout ceci sont donc des raisons qu'invoque le paresseux. Une troisième paire de raisons, c'est la faim, ou au contraire le fait d'avoir trop mangé. Ce méditant paresseux explique qu'il ne va pas dans la salle de méditation parce qu'il a trop faim. Mais il est toujours possible de diminuer la sensation de faim en buvant de l'eau, par exemple. Ou alors, il dira qu'il a trop mangé, que son estomac est très lourd. Ce sont donc là les 6 justificatifs du paresseux. Ici, les méditants se montrent très courageux. Ils pratiquent très bien. Ils font un réel effort pour progresser. Le 5e facteur, c'est Panya, la sagesse. Panya, la sagesse, est quelque chose de difficile et nous n'avons plus beaucoup de temps aujourd'hui. Nous en parlerons donc demain. Puissiez-vous tous développer votre foi, votre santé, être capable de sincérité et d'effort et de développer également la sagesse pour finalement réussir à atteindre votre but, la libération de la souffrance. Sadhu, sadhu, sadhu. So wish you all, may you all be able to raise up our faith, confidence, suitable for our health, and sincerely putting full of efforts to progress our meditation to reach to our final goal, to free from all suffering. Sadhu, sadhu, sadhu.